Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Perdre l'Europe, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ces semaines confinées et bac ou pas, l'idée de réécoute bonne pour toutes les oreilles. Et donc une plongée dans une histoire dangereuse, passionnelle et tourmentée, celle de l'Europe centrale qui flirte avec les extrêmes et génère pourtant une utopie mythique à laquelle il faut s'accrocher. Alors pour commencer, les personnages. Une femme libre, un couple qui en a vu, un homme qui a pleuré, un historien qui attend, les survivants, un homme venu du passé, un enfant polyglotte, un russe exilé et un homme surveillé. Ensuite, le décor. La République tchèque, la peur, le nationalisme, des frontières dans les têtes, un théâtre, des villes disparues, la musique, des morts héroïques, des livres interdits et un lac gelé. Aujourd'hui, 4e épisode, l'inquiétude monte. Je suis le pessimiste optimiste. Regardez, comme Martha me demande toujours, et ça va tourner au bien, je ne peux lui répondre que oui, ça va tourner au bien, mais après ça va tourner au mal, et peut-être après ça, ça va tourner au bien. Je deviens nerveuse quand Ce n'est pas un cas isolé. C'est comme une épidémie qui s'empare de la société, qui la paralyse. Il entraîne vers la passivité et qui endort son instinct de survie. Einschläfert, sozusagen, nur der Todeswunsch. Ne reste alors que le désir de mort. Nein, ich habe nicht, nicht. Mais je n'ai pas peur de perdre l'Europe, Angst. Non. Und, es kann sein, dass junge Menschen Les jeunes gens la perdront peut-être, mais moi, je ne vivrai pas ça. Perdre l'Europe. La croisée des chemins. Par Christine Le Cerf et Franck Lilin. Ah, vous voyez, il y a un lapin. Il y a un lapin. Vous avez vu? Lapin de Prague. Pražský králík. Pražský. On est dans le parc de l'Etna. Une sorte de terrasse au-dessus de Prague, où normalement il y a une superbe vue, mais qu'on ne voit pas, dans le brouillard. Sara Vibiralova. Non, j'ai jamais ressenti des frontières, mais je suis déjà la génération d'après la Révolution. Je suis née en 86. Pour moi, j'ai vécu toujours l'Europe plus ou moins libre, même s'il y avait des frontières physiques avant que la République tchèque n'adhère au Schengen. Même là, je n'avais aucun sentiment d'enfermement, non. Mais je vois plus de frontières, plutôt des espaces qui sont définis par des notions floues, petites régions et des grandes régions. Mais les frontières d'État, personnellement pour moi, n'ont pas beaucoup d'importance. Si j'imagine que fait une étape, une marche en arrière, c'est une angoisse pour moi. Bien sûr que j'ai peur, hein, parce que je sens une énorme montée de nationalisme un peu partout, pas seulement en Europe centrale, dans toute l'Europe, mais peut-être plus fort en Europe centrale, et j'en ai peur. Je suis née à Linz, qui est la capitale de Haute-Autriche. En 1982, Pia Schönberger. Mais l'Europe, c'était pas vraiment la discussion pour moi ou une question pour moi quand j'étais vraiment petite. Et quand j'ai grandi, c'était déjà la décision de entrer à l'Union européenne. Alors, je suis européenne naturellement, je suis autrichienne, je suis... Oui, j'aimerais bien de me regarder comme cosmopolitaine. Mais c'est dur maintenant. Mais wir diskutieren über die Werte. Nos valeurs font en ce moment l'objet d'un débat. On s'interroge sur les valeurs européennes, la liberté, les frontières, la sécurité. On reparle du concept de nation. On cherche à le redéfinir. Dans plusieurs pays d'Europe, il y a même une volonté de placer la nation au cœur du débat. On a l'exemple de la Pologne et de la Hongrie. Certaines élections devraient nous alarmer et nous inciter à la vigilance. Oui, j'ai le peur. Oui, j'ai peur de le perdre. Alors, je m'appelle Miklós Konrád, je suis né à Budapest en 1967. 10 ans plus tard, en 1977, nous sommes partis avec ma famille vivre en France. Puis je suis revenu vivre à Budapest, en gros, au moment du changement de régime, donc lors de l'avènement de la démocratie, au début des années 90. C'était l'énergie, la créativité d'une nouvelle démocratie qui naît, avec le sentiment que cela a entraîné d'un monde où tout est possible. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et puis il y a eu 2010. Et depuis 2010, il y a ce lent glissement vers ce qu'on a du mal à nommer parce qu'on cherche les termes. D'un point de vue émotionnel, je comprends qu'on dise, pour faire court, voilà, c'est des fascistes. Si on est politologue, on cherchera certainement un terme plus juste. On parlera de démocratie, etc. Finalement, peu importe, l'essentiel pour moi, c'est qu'il y a un chape de peur qui est redescendu sur l'Hongrie. Et c'est la première fois que j'ai constaté de toute ma vie des gens qui, le soir d'une élection, se mettent à pleurer. Et on était plutôt des gens dans la cinquantaine. Moi, j'ai jamais pleuré. À un moment, moi-même, enfin, j'ai dû sortir sur la terrasse parce que je sentais les larmes qui montent aux yeux. Et ça ne m'est jamais arrivé en 50 ans d'expérience politique. Et j'ai fait partie de ceux qui ont pensé que non, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, l'Union européenne, diverses instances de l'Union européenne obligeront Orban à s'arrêter sur ce chemin, sur ce glissement vers ce qui s'apparente de plus en plus à une dictature. L'Union européenne, je pense, a fait ce qu'elle pouvait, mais il ne s'est rien passé. Visiblement, il ne s'est rien passé. Pour la simple raison que sans doute l'Union européenne n'a pas été construite en prévoyant des types comme Orban. Sauvez-nous ! Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver, je crois. Pour risquer un jeu de mots, nous sommes bien partis pour une urbanisation générale de l'Europe. Jacques Le Rider. Si mon pessimisme est fondé, l'Europe centrale est une véritable avant-garde. Peut-être les premiers d'une cordée qui ne va pas du tout dans le sens que l'on peut juger souhaitable, mais qui va dans le sens précisément de l'euroscepticisme, une région européenne à observer attentivement, parce qu'on pourrait bien y avoir le modèle de notre avenir commun à tous les Européens. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, après la grande ouverture qu'a représenté l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, qui a été mené tambour battant, on s'aperçoit aujourd'hui que cet élargissement n'a pas en réalité renforcé la cohésion de l'Europe, mais l'a peut-être au contraire rendu encore plus difficile. Ich erlebe eine Krise der liberalen Demokratie. Ich erlebe eine Krise des neuen Europa. Je ressens une crise en Europe, une crise de la démocratie libérale. Doron Rabinovici. Es ist die Anrufung des Volkes gegen die Bevölkerung Europas. Aujourd'hui, on en appelle au peuple contre la population. Überall können wir das sehen. Partout, on le constate. Und was das bedeutet ist? Et qu'est-ce que cela veut dire? Dass ein Europa der Vielfalt, cela veut dire que l'Europe de la diversité va redevenir un continent de la discorde, de la haine. Wir gewöhnen uns international daran, dass autoritäre Partout, on s'habitue au système autoritaire et aux promesses faites au peuple. Auch außerhalb von Europa. Et cela se passe aussi en dehors de l'Europe. Und wir gewöhnen uns daran, dass die, on s'habitue dass die à ce que des hommes Staatsmänner d'État s'adressent au peuple zum Volk sprechen und nicht zur Bevölkerung. Et pas à leur population. Das machen genauso jetzt. C'est exactement ce que font Kaczynski, Orban, Salvini, Strache. Das macht Orban, das macht auch Salvini, das machen sie, das macht auch Strache. Et ils le font consciemment. Und sie machen es bewusst. Und mein Europa ist ein Europa, in dem solche rassistischen Dans mon Europe, on s'oppose à toute forme de racisme. In den solchen rassistischen Bewegungen entgegengetreten wird. Mein Europa ist ein Europa, Europe, in dem sich keiner fürchten muss, nicht dazuzugehören. Personne ne doit avoir peur d'être exclu. Et donc, mon sentiment européen s'enracine dans les lieux de désolation de l'Europe. Je le vois quand je visite presque titubant d'émotion Auschwitz. C'est là que pour moi l'évidence européenne se reforme. Mais c'est l'évidence européenne qui n'est pas le goût d'un pays de cocagne, mais qui est la peur de cet enfer où le nationalisme a plongé l'Europe au XXe siècle. Angst ist vielleicht der falsche Begriff. La peur n'est peut-être pas le terme qui convient dans mon ich cas. Habe ein manchmal Disons que mon sens exacerbé du possible a tendance à provoquer chez moi une certaine inquiétude. Robert Menasse. Ich kann mir vorstellen, dass es je peux parfois m'imaginer que tout va s'effondrer. Weil dann doch wieder nationale Egoismen parce que les égoïsmes nationaux ont repris le dessus. Weil, Menschen, parce que certains d'entre nous ont peur de perdre des choses, je ne saurais même pas dire quoi, et parce que ces gens pensent que la seule manière de ne pas perdre ces choses, c'est de les protéger nationalement, c'est-à-dire contre les autres. C'est ce contre les autres qui peut vraiment tout faire s'écrouler. Cela, je peux tout à fait l'imaginer, et cela m'inquiète. Das kann ich mir vorstellen und das beunruhigt mich. Les nationalistes avaient déjà fait sauter l'ancienne Europe. Die Nationalisten, die das alte Europa in die Luft gesprengt haben, die haben das unschuldig gemacht. Mais ils l'avaient fait en toute innocence. Und die haben dann unschuldig. Vous avez construit leur nation le plus innocemment du monde. Ihre Nationen gebildet. Après avoir fait sauter la monarchie des Habsbourg et tout le reste. In die Luft gesprengt haben und so weiter und so weiter. Mais ils ne savaient pas. Und haben nicht gewusst. Personne ne savait à l'époque. Niemand, der damals que ces joyeuses constructions nationales gebildet hat, hat gewusst, dass es in Auschwitz allait déboucher sur Auschwitz. Aber nach Auschwitz. Mais après Auschwitz. Kann niemand mehr sagen, wir machen. Personne ne peut plus prétendre le faire innocemment. Es ist auch interessant, dass die europäischsten Menschen damals die ersten Opfer waren. Et il faut souligner que parmi les premières victimes de la Shoah se trouvaient peut-être les plus grands Européens qui soient. Was gibt es Europäischeres als die Roma? Was gibt es Europäischeres als Car Menschen, à bien y réfléchir, die nicht peut-on trouver plus Européens que les Roms? Die Grenzen kennen, ces gens qui ne connaissent aucune frontière, leben, in diesem qui Europa. Vivent sans frontières au sein de l'Europe. Nicht die je ne veux pas parler des frontières sociales. Ces barrières-là, elles sont souvent très difficiles à surmonter. Grenzen, die wir doch je veux parler de ces frontières wollen. Que nous autres Européens, und, nous voudrions abolir. Im Deutschen sprechen wir immer wieder davon jetzt, dass es et on parle de plus en plus de la nécessité de protéger les frontières extérieures de l'Europe. Ich möchte darauf hinweisen, dass mais je voudrais souligner une chose. Außengrenzen sagen, ceux qui pensent en termes de frontières extérieures ausgehen. Présuppose en réalité l'existence de frontières intérieures. Parler de frontières extérieures signifie ne jamais avoir dépassé l'idée de frontières intérieures. Les frontières sont toujours là. Elles sont toujours dans la tête. Aber im Kopf sind sie da. Und ich bin wütend. Et je suis furieux. Wenn ich mir anschaue, wie heute verschiedene europäische Staaten darum feilschen. De voir comment certains pays européens négocient pour ne pas avoir à accueillir de réfugiés. Wie sie darum konkurrieren, die Flüchtlinge ertrinken zu lassen. Comment ils rivalisent entre eux pour laisser les réfugiés se noyer dans la Méditerranée. Ärzte ohne Grenzen oder NGOs, die quand je pense que le chancelier autrichien sind Verbrecher, hat a osé qualifier de criminels Médecins sans frontières et les ONG qui sauvent les réfugiés en mer. Aus dem mein Vater schon einmal flüchten musste. Le chancelier autrichien a osé dire cela. Le chancelier du pays que mon père a dû fuir pour survivre. Sie sind Mörder. Pour moi, ces gens sont des assassins. Wenn Menschen sagen, Flüchtlinge werden nicht aufgenommen, quand je les entends dire qu'ils ne veulent pas accueillir de réfugiés, qu'il faut les laisser se noyer dans la Méditerranée, que les réfugiés posent problème, que ce sont des criminels, je les entends dire que mon père n'aurait pas dû survivre. L'Europe est devenue un véritable théâtre, un théâtre de l'absurde. Es ist eine Ansammlung von une succession de scènes absolument étranges et insensées, des scènes kafkaïennes, dostoïevskiennes ou encore bulgakoviennes. Je le sais parce que j'étais présent à l'arrivée des réfugiés. Stand ja dort. Vladimir Vertli. Es war im, es gab ja diese Brücke. Die Brücke war on les avait tous rassemblés près d'un pont. Die Flüchtlinge kamen ins Camp Grenze auf der österreichischen Seite, mussten dort warten. Ils venaient d'un camp de transit situé à la frontière autrichienne et cherchaient à passer en Allemagne. Maximal 50 personnes pro stunde. N'étaient autorisés à traverser le pont que par petits groupes de 10 à 15 personnes, 50 au maximum. Die Deutschen waren mit uns verbunden über walkie-talkie. Nous, les bénévoles, nous étions en contact avec les Allemands par talkie-walkie. Österreich und Deutschland so taten. De chaque côté du pont, les autorités faisaient mine de croire que les réfugiés arrivaient en Allemagne par l'opération du Saint-Esprit. Es gab eine Grenze, die wir bewacht haben, aber die Grenze existierte de facto nicht mehr, weil durch das Schengen-Abkommen. Et nous étions tous postés à des frontières qui n'existaient plus, des frontières que les accords de Schengen avaient de facto supprimées. Diese Brücke ist natürlich die eine unglaublich gute Metapher. Ce pont des réfugiés me semble une excellente métaphore de ce qu'est aujourd'hui devenu l'Europe. Für dieses absurde Theater der Gegenwart. Un théâtre de l'absurde. Ich würde niemanden wünschen so eine so eine Reise und so eine Odyssee durch mehrere Länder. Je ne souhaiterais à personne une telle Odyssée. Ich bin 1966 in Leningrad. Je suis né en 1966 à Leningrad, en URSS. Je dis souvent en plaisantant que je viens d'une ville et d'un pays qui n'existe plus. Leningrad s'appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Et l'Union soviétique est devenue la Fédération de Russie. Und meine Eltern mir gesagt haben, wir fahren in ein heißes Land. Je me souviens encore du jour où mes parents m'ont annoncé que nous allions partir dans un pays chaud. Und einen Tag später sind wir dann von Moskau. Le lendemain, nous prenions un avion à Moscou, à destination de Vienne. Nous nous sommes ensuite retrouvés pour quelque temps dans un camp de transit à Schönau, en Basse-Autriche. Von meinen Eltern, weißt du, wir fahren nach Israël. Là, mes parents m'ont expliqué, nous partons en Israël, tu vois, parce que nous sommes juifs. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Cela ne m'évoquait rien du tout, c'était beaucoup trop abstrait. Das war 1971 und da hat haben alle geglaubt, dass die Sowjetunion noch mindestens 200 Jahre bestehen wird. On était en 1971, tout le monde pensait à l'époque que la fin de l'URSS n'était pas pour demain, du moins pas avant 200 ans. Meine Eltern mussten mehr oder weniger das Land verlassen, weil die Situation Mes parents avaient été contraints de quitter l'URSS parce que la situation des Juifs y était devenue de plus en plus pesante, difficile sinon dramatique. La seule option envisageable était l'émigration. Dann kam ich nach Israël mit meinen Eltern und habe Hebräisch gehört, aber kaum gelernt. Je suis donc arrivé en Israël avec mes parents. J'entendais parler hébreu autour de moi sans jamais vraiment l'apprendre, parce que je ne côtoyais que des enfants d'immigrés, des Juifs russes comme nous. Nous sommes ensuite repartis pour un temps à Vienne, j'avais 6 ans. J'ai fait ma première entrée à l'école primaire sans parler un mot d'allemand. Puis on a dû à nouveau partir dans d'autres pays où l'on parlait à nouveau d'autres langues. En Italie, où je n'ai jamais vraiment appris la langue, aux Pays-Bas, où nous avions également séjourné sans que j'apprenne vraiment le néerlandais. Puis nous sommes retournés une seconde fois en Israël, où j'ai commencé à apprendre un peu d'hébreu à l'école. Finalement, nous nous sommes installés en Autriche. J'avais 10 ans et là, mon cerveau a dit « stop ». Il a fait la grève des langues étrangères. Als Kind, natürlich, und dann als Erwachsener erst recht. Quand on est enfant, on ne vit pas ces déplacements comme quelque chose de positif. Das Positive, unter Anführungszeichen, aus dem Ganzen. Mais il y a pourtant un point positif dans tout cela, même si le terme positif est à mettre entre guillemets. Die Haltung des, der parallelen, j'ai su plus tard avoir plusieurs identités en même temps. Aujourd'hui, je suis autrichien, je suis juif, je suis un peu russe aussi, même si j'ai quitté la Russie depuis très longtemps, cela fait toujours partie de mon identité. L'Europe est pour moi un point de repère évident. Et je suis un Européen fervent. Was bin ich sonst als ein Europäer? Que suis-je, sinon un Européen? Я действительно осознаю себя как европеец. Je me sens effectivement un Européen. Et c'est un très grand problème pour moi. Право на Европу. Mon droit à l'Europe. Но это моё право на Европу как русского и как еврея. Поэтому этой темы мы не касались. Mais c'est un droit que je revendique en tant que russe et juif. Леонид Гершович. Эмиграция из России. Aussi loin que je me souvienne, ma famille rêvait de quitter l'URSS. Была некой. C'était un рêve inaccessible. Puis un jour, сколько я себя помню, la possibilité s'est présentée. Это стало возможным. C'était au début des années 70. В начале 70-х. И этой возможности мы тут же. Et nous en avons immédiatement profité. С другой стороны, comme tout émigré ex-soviétique, je me souviens parfaitement du jour et de l'heure de mon départ, de cette incroyable sensation de partir pour toujours. Car à l'époque, nous partions pour toujours. Nous disions adieu à ceux qui restaient. Le monde se scindait en deux. L'URSS demeurait dans une partie de l'univers, tandis que l'on filait vers une autre partie, comme à bord d'une fusée. J'ai choisi l'Allemagne, car malgré tout le cauchemar du XXe siècle, ce pays m'était le plus proche sur le plan de la musique et de la littérature, à cause de Thomas Mann. Я имею в виду Томаса Мана. Сегодня в связи с огромным количеством aujourd'hui, с наплывом беженцев, avec la vague des réfugiés que certains comparent à un tsunami, можно подобить только какой-то огромной невероятной волне, цунами. On parle beaucoup de la fin de l'Europe. В Европе говорят о конце Европы. Но о конце Европы говорили всегда. Mais cette fin, on l'a prédit depuis toujours. В 18 году Томас Ман в своем дневнике, en 1918 ou en 1919, писал о Томас Ман parlait déjà du cauchemar bolchevique. О том, что толпы des foules de juifs russes, pétris d'idéaux communistes, déferlaient sur l'Allemagne, c'était la catastrophe. Идеалами хлынули к нам в Германию, и нас ожидает катастрофа. Тогда же à la même époque, Spengler écrivait son célèbre déclin de l'Occident. Spengler написал свой знаменитый закат Европы. L'Europe a toujours vécu avec le sentiment de sa fin prochaine. Et en effet, quelque chose se terminait sans cesse, mais autre chose naissait. И начиналось что-то новое. Мне лично не к лицу. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment le droit d'avoir peur ou, disons, de protester contre l'afflux des migrants pour la bonne raison que j'appartiens, moi aussi, à cette catégorie. Des réfugiés comme moi ont fait peur à Thomas Mann. Ils se sont intégrés. Не совсем ко мне. Я не могу и не имею никакого права, морального права, говорить, установить заслоны и никого не пускать. Европа 100 лет тому назад, l'Europe a connu il y a 100 ans des changements aussi radicaux qu'il y a 200 ans au cours des guerres наполеоновских. Европа меняется постоянно. L'Europe change en permanence. Je ne veux pas dire que le monde est à l'abri de la catastrophe. Мир застрахован от катастрофы. Но когда эта катастрофа наступит? И наступит ли mais она? Personne ne sait quand celle-ci arrivera. Я не политик. Ni même si elle arrivera. Политики ошибаются. Я даже не берусь заниматься какими-то прогнозами. Je me garde de faire des pronostics. В любом случае, mais разговоры, je ne peux pas faire mien les propos que j'entends sur la fin de l'Europe. О конце Европы, о конце европейской культуры. Sur la fin de la culture européenne. Не убеждают. Pour moi, у меня европейская культура закончилась с терминой avec la musique tonale. Lorsque Schönberg a renoncé à la tonalité. Когда Schönberg провозгласил отказ от тональности. Pour d'autres, elle s'est terminée à un autre moment. Для кого-то она кончается в другое время. Tout est donc très relatif dans ce monde. Все в этом мире очень условно. Se faufiler, c'est ce que j'ai personnellement vécu, se faufiler, se glisser à travers un trou, une fissure. La liberté est pour chacun d'entre nous un besoin impérieux. Et quand on en est privé, on mesure à quel point elle est précieuse. Peter Nadasch. L'individu a deux options dans ce cas-là. Soit il s'engage politiquement, il devient révolutionnaire ou anarchiste et il fait tout sauter. Personnellement, j'aurais été prêt à le faire si j'avais été anarchiste, mais je ne l'étais pas. Ou alors il s'aménage un espace de liberté intérieure. Die beiden, also politische Freiheit und diese innere Freiheit, darf niemals. Ces deux libertés, la liberté politique et la liberté intérieure, also, ne doivent pas être confondues. Ich kann nicht über innere Freiheit. Il serait faux de prétendre que la liberté intérieure peut remplacer la liberté politique. Die politische Freiheit ersetzt es nicht. Aber wir sind in diese Schule gegangen, die innere Freiheit uns. Nous avions choisi l'école de la liberté intérieure pour nous affranchir de la situation politique. Nous savions que nos appartements étaient fouillés en notre absence. Nous savions que nous étions mis sur écoute, que nous étions suivis. Moi et mon petit cercle d'amis, nous avions alors pris la ferme résolution de ne pas nous en préoccuper. Quand on n'est pas libre intérieurement, on ne peut pas faire grand-chose pour la liberté politique. Sans cette composante individuelle, il n'y a pas de liberté politique, seulement une apparence de liberté, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe. Sylvie Richterova. Il y avait des attitudes personnelles, du courage, des actions, pas héroïques, pas sur des barricades, mais quand Patochka faisait ses leçons d'histoire dans les appartements, c'était de vraies conférences, leçons universitaires avec les plus hauts niveaux, et comme ça, des dizaines, des dizaines, des dizaines de personnes. Et quand des centaines de personnes recopiaient à machine à écrire, les lire, pour pouvoir lire ce qui était né librement, c'était des actions. Et il y en a qui ont payé avec la prison, pour ne pas parler vraiment de la mort héroïque, tragique, socratique de Patochka. Alors j'ai toujours pensé que ce milieu dissident, en Tchéquie, à Moravie, aussi en Slovaquie, alors que c'était la seule société libre dans ce pays qui était malade. En effet, il y a à Prague une bibliothèque privée qui s'appelle Bibliothèque Libri Prohibiti. Quelqu'un qui était très jeune à l'époque de sa mise date et qu'il avait recopié tout ça, et il a fait la prison la plus dure avec des assassins. Libri prohibiti, c'était le terme latin pendant l'Inquisition pour les livres qu'il jetait dans le feu. Je ne pense pas qu'on puisse parler de vulnérabilité de l'Europe. Clara Royer. Pour ces écrivains et ces artistes, l'Europe est l'une des formes d'engagement profond, parce qu'ils ont été nourris d'un rêve d'Europe lorsqu'ils étaient jeunes. C'était un rêve qui se fondait sur un manque, hein, et qui a donc créé un désir immense, qui, dans la réalité, hein, a procuré énormément d'espoir, d'attente, parfois de déception. La génération plus jeune, hein, reste, à mon sens, hein, encore guidée par cet idéal européen, mais de façon déjà différente par rapport à leurs aînés. Il y a plutôt une réflexion qui se met en marche, hein, chez cette plus jeune génération sur cette espèce de maladie qu'a l'Europe de constamment se tirer une balle dans la tête, en fait. Hein. Il y a cette idée que l'Europe est en perpétuel suicide, n'arrive pas à se sortir de cette manie du suicide. L'Europe a déjà été perdue pour moi. L'Europe a été perdue avec la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Laszlo Németh. Ce qui me semble étrange, c'est que justement c'est l'humanisme qui me semble plus loin aujourd'hui de l'Europe. L'humanisme dans la pensée, c'est-à-dire le fait d'être, de placer l'être humain au centre. Et je pense que l'Europe aurait besoin d'un renouveau dans la pensée, de peut-être unir quelque chose qui n'a jamais pu être uni, et des peuples qui ont peut-être, qui n'ont jamais pu se sentir proches. De temps en temps, ils sont voisins, ils se détestent. Je connais ce cas-là. Et quelque part, je pense qu'on a voulu forcer un peu l'histoire. Et je ne sais même pas dans quelle mesure certaines régions étaient prêtes, comme la Hongrie, par exemple. Il me semble que certaines régions ne sont pas toujours prêtes à accepter une idée qui vient d'ailleurs. Je repense à Kafka, souvent, comment il a pu ressentir dans sa vie, dans son existence, ce qu'était cette région de l'Europe centrale, ce continent de tant de peuples. Et je repense à ses livres et je vois, je ressens tout ce pessimisme qui est en lui, cette existence où on est très réduit, on n'est pas illimité. Et on mesure aujourd'hui tout ce que notre littérature et notre pensée à l'Ouest doivent aux écrivains et aux poètes centre-européens. Marie-Louise Knott. Je pense par exemple à cet auteur hongrois, Miklós Harasti, et à son essai « L'artiste d'État ». Pour décrire le phénomène de l'autocensure, Harasti prend l'image des ciseaux qui travaillent dans la tête de celui qui écrit. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que l'autre côté de l'Europe nous a apporté. Et à l'heure de l'uniformisation de toutes les littératures, la pluralité qui caractérise aujourd'hui la littérature européenne témoigne de cet élargissement des possibilités d'écrire et de penser. C'est en Europe qu'on a inventé le roman. Et c'est à ce genre littéraire que je suis le plus attachée, car c'est pour moi le meilleur moyen de communication entre les hommes. Olga Tokarczuk. Je pense toutefois qu'il existe quelque chose que l'on pourrait appeler la tradition littéraire de l'Europe centrale. Il vaudrait d'ailleurs la peine d'y consacrer un grand essai. Milan Kundera a écrit un livre à ce sujet, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. À mes yeux, la littérature d'Europe centrale abrite une sorte de peur, une angoisse liée au sentiment d'instabilité et au perpétuel changement. Najlepszym przykładem jest przemiana Kafki, która w jakiś taki symboliczny sposób. La métamorphose de Kafka, ce récit qui traite de l'incertitude de notre existence sur un mode symbolique, nous suggère que demain, on peut devenir quelqu'un d'autre. Więc cokolwiek napiszemy świadomie, do tego przenika. Tout ce que l'écrivain choisit d'écrire est imprégné des problèmes de son temps, de la douleur de son époque. Et si son livre est écrit avec sincérité, si son livre vient du fond du cœur, alors il devient immédiatement politique. Dans mes propres livres, j'essaie de traiter de la réalité, une réalité complexe, qu'il est bien difficile de juger. J'ai écrit un roman qui s'appelle La Capitale. Et je l'ai écrit pour une simple raison. Tous ceux qui écrivent des romans ne cherchent finalement qu'une seule chose. Raconter le fait le plus important, le plus marquant de leur temps. Je me suis donc demandé quel était l'événement le plus significatif de mon époque. Et j'en ai conclu que c'était le projet d'intégration européenne. Pour la première fois dans notre histoire, des lois sont écrites dans une ville et valent pour tout un continent. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est fascinant et j'ai eu envie de le raconter. Mais peut-on raconter une chose pareille? Je n'en étais pas si sûr. Une fois à Bruxelles, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter l'Union européenne. Tout simplement parce que ce sont des êtres humains qui la construisent. J'ai alors redoublé d'ambition pour mon roman. On entend toujours dire que l'Union européenne est quelque chose d'insaisissable, de très abstrait. Und ich wollte dieses Abstraktum, das ist ja. Eh bien, j'ai voulu briser cette abstraction. J'ai cherché à lui donner un visage. Et c'est ce que peut le roman. C'est ce que peut le romancier. Aucune élite politique ne connaît le futur de l'Union. Personne n'y réfléchit. Or, pour que les choses avancent raisonnablement, il nous faut impérativement une vision. Ich glaube, dass Europa als Konzept sich selbst pour moi, l'Europe est une idée verstehen muss als etwas, was aus einer Ruine qui m'évoque une ruine. Wir haben eine Geschichte hinter uns. Car on ne saurait concevoir l'Europe sans son passé. Und die Ruine, c'est une ruine danach ganz qui aspire sein, à être un tout, wenn man sie restaurieren mais qui se désagrège will, dès que l'on veut la reconstruire, dann la restaurer. Wehrt sie sich dagegen und will wieder eine Ruine sein. Also das Europa, l'idée d'Europe que j'ai en tête est donc celle d'une république. Eine République sein kann, être européen, c'est faire partie de ce tout, mais c'est en même temps conserver sa diversité. Teil dieses Gesamten. C'est un cap difficile à franchir. Und gleichzeitig aber in unserer Vielfalt leben können. Et cela ne se fera dieser pas d'un seul coup. Nicht leicht zu machen. Wir dürfen Il ne s'agirait pas de se montrer trop impatient. Es könnte das auf einmal geschehen. Es geht hier nicht darum, ungeduldig zu werden. Also für mich ist das eher ein. Pour moi, l'Europe, c'est plutôt un lac. Ein See. Ou un étang. Oder ein Teich. Avec différents courants qui le traversent. Bäche und Flüsse. Et une multitude d'affluents qui se jettent dedans. La température de l'eau n'est jamais la même dans ce lac. Parfois elle est chaude. Parfois elle se rafraîchit. En ce moment, l'eau est vraiment très froide. Mais considérer que nous sommes entrés dans une ère glaciaire serait exagéré. On n'étouffe pas sous la glace. On n'en est pas encore là, non. On grelotte simplement. On risque peut-être un refroidissement, mais on ne gèlera pas. Il faut simplement rester en mouvement, se bouger et drainer par exemple tous ces courants froids et en les remplaçant par des courants chauds ou bien accueillir de plus en plus de gens, les faire entrer dans le lac pour qu'ils réchauffent l'eau. Mais l'Europe ne coulera pas, non. Je ne le crois pas. Pour moi, l'Europe est d'abord une idée. Une idée que l'on pourrait matérialiser sous la forme d'un organisme vivant. L'Europe est un être vivant qui ne cesse de se développer, mais qui peut aussi se ratatiner, comme c'est le cas aujourd'hui. Un être vivant, très souvent imprévisible, qui dort mal, qui fait de mauvais rêves, et qui n'arrête pas de se retourner dans tous les sens pendant son sommeil. parce que cet organisme est sollicité de toutes parts et qu'il doit protéger ce qu'il a été. Cette idée originelle qui constitue désormais son noyau. Oui, l'Europe est un organisme vivant. Il n'est pas encore en danger de mort, mais il souffre. Aussi parce que ce noyau, cette idée qui est en lui, ne vient pas de nulle part, mais des expériences, des horreurs, des souvenirs du passé. C'est une espèce sans doute menacée. Und somit ist dieser Organismus ein bedrohter, aber er ist noch nicht völlig verloren. Mais qui n'a pas encore complètement disparu. Ich würde es mir im antiken Sinne als ein Gastmahl. J'imagine l'Europe comme un banquet, au sens antique du terme. Un banquet, c'est avant tout un repas, bien sûr, mais c'est aussi un moment d'échange. Ingo Schulze, qui nécessite une véritable relation de confiance. Un banquet où l'on s'invite tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. C'est comme cela que j'imagine l'Europe. J'aime la grande diversité au sein de l'Europe. Cette confiance réciproque entre les gens et cette profonde intrication de tout ce qui nous constitue. Je pense à tous ces contes populaires dont on retrouve les motifs un peu partout en Europe. Et ce banquet est à chaque fois une surprise. Ich bin Realist, ich bin kein Träumer, leider. Je suis réaliste. Je ne suis pas un rêveur, malheureusement. Europa ist mir ein wilder Tier. Pour moi, l'Europe, c'est un animal sauvage. Der schlechte Ausdünstungen hat. Une bête aux effluves nauséabondes. Un animal incontrôlable, vorace. Qui conquiert et déchiquette. Das ist der Tier. Une bête. Und es gibt une autre image de l'Europe vient s'opposer à celle de l'animal, c'est celle d'une Europe idéale. C'est à elle que nous devons tout ce merveilleux patrimoine culturel. Die absolute Differenziertheit. C'est le raffinement absolu, la distinction absolue. C'est la philosophie, la musique, etc. Außerdem hat Europa nur Kriege. L'Europe n'a engendré sinon que guerre et conflit, guerre de religion, guerre coloniale, pillage et meurtre. C'est cela aussi l'Europe. Das ist auch Europa. Also alle beiden sind. Et tout ça à la fois. Und Mord. Michelangelo et le meurtre, Leonardo, Mozart, Lully et l'arbitraire. Malheureusement, je ne pense pas que cette bête puisse un jour disparaître. Parce que cet animal sauvage, chacun le porte en soi. C'est seulement à l'échelle individuelle que l'être humain peut espérer amadouer, dompter, ou maîtriser cette bête. Kann zähmen oder kann stillhalten oder kann. Aber es gibt sehr große Kräfte, die das nicht zulassen. Mais des forces trop importantes s'y opposent. W tej chwili odczuwam, że wszystkie te, powiedziałbym, że patriotyzm je sens en ce moment que le patriotisme me fait plus de mal que de bien. Więcej zła nam daje niż il entraîne beaucoup de dégâts. Niż dobra, Christian że patriotyzmy te takie nacjonalistyczne zapędzają ludzi. Nacjonalizm enferme les gens dans les cages de la haine et de l'intolérance. Nietolerancji we wszystkie te właściwie waśni. Właściwie możemy sobie powiedzieć przecież dzieje ludzkości. L'histoire de l'humanité n'est-elle pas l'histoire de guerre perpétuelle, d'un anéantissement mutuel? Ja tę Europę wielokrotnie rysowałem. J'ai souvent dessiné l'Europe lorsque j'étais enfant. Ces fantaisies m'avaient amené à me poser des questions sur la création des frontières. Ces questions, je me les pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des frontières? Czy te granice w ogóle jeszcze nam i d'ailleurs, on a to encore besoin. Narodowe nacjonalizmy, które nas znowu le nationalisme qui s'empare à nouveau de nous comme une maladie, nous conduira-t-il à une nouvelle catastrophe? Nie, no, non. Przecież, jakby powiedzieć, je veux croire qu'il est possible de l'éviter, de s'en protéger. Mais comment? Można się uchronić przez aktywność, przez marzenie. Peut-on s'en protéger en agissant? Ou tout simplement par le rêve? Niestety ludzie są tacy. Il semble que seule une catastrophe comme une guerre mondiale puisse réveiller l'être humain. Może pomóc im się obudzić. Teraz znowu czuję, że ten nacjonalizm, że ten rodzaj. Et je sens de nouveau monter ce nationalisme, cette fascination noire qui contamine les gens, ce rêve malsain. Qui nous conduit à la catastrophe. Et następuje pytanie, czy ta katastrofa. Avons-nous besoin de cette catastrophe pour qu'une idée claire, un rêve clair, puisse apparaître enfin comme une alternative possible et réalisable? Spełnialne i możliwe. Je suis sûr, alors comment le dire, le fascisme c'est omniprésent maintenant. Et ça avance, ça va gagner encore. Je crois que rien ne se perd. Jörgi Kurtag. L'Allemagne d'après Hitler, c'était la plus grande renaissance culturelle existante, mais ça ne venait pas de rien. C'est-à-dire, ça ne se perd pas. Et je suis persuadé que c'est la même chose partout. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'Europe est perdue. Je suis le pessimiste optimiste. L'Europe, avec Laszlo Nemes, cinéaste, Christian Lupa, dramaturge, Clara Royer, Pia Schoenberger, Miklos Konrad et Jacques Le Rider, historien, Doron Rabinovitch, Vladimir Wertlib, Leonid Girchowicz, Marie-Louise Knott, Sarah Vibiralova, Olga Tokarczuk, Sylvie Richterova, Robert Menas, Peter Nadasch, Ingo Schulze, écrivain, et Jörgi Kurtag, compositeur. Voix, Claude Aufort, Patrice Bornan, Laurent Lederer et Andrea Schiffer. Traduction Lou Elio, Luba Jorgensen et Agnieszka Zgieb. Documentation Maria Contreras.